Affaire sensible, la fiction, cette semaine une série en 5 épisodes intitulée Suspicion, écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. L'émission d'aujourd'hui vous propose le dernier épisode de la série de fiction Suspicion, adaptée du livre de la journaliste Caroline Michel-Aguirre, intitulé La syndicaliste, paru en 2019 aux éditions Stock. L'histoire de ce fait divers, c'est un incroyable thriller. Le 17 décembre 2012, une femme est retrouvée chez elle, agressée, violentée. Scandale d'État, affabulation, agression que la victime aurait inventée. La femme en question n'est pas une victime comme les autres. C'est Maureen Kearney, syndicaliste pour le géant français du nucléaire, Areva. C'est donc une plongée dans les coulisses de la France industrielle que propose cette histoire. Ses secrets, ses manigances et ses coups bas. Quant à l'agression de la syndicaliste, elle va connaître un surprenant rebondissement judiciaire qui témoigne sans doute des enjeux et des pressions autour de ce dossier avant qu'enfin la vérité n'éclate au grand jour et que l'honneur de cette femme lui soit rendu. Reste évidemment le traumatisme. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Suspicion, une série de François Luciani. D'après La syndicaliste, de Caroline Michel-Aguirre. Réalisation, Cédric Ossir. Cinquième épisode, La vérité. Tu refumes? Oui. Tu dois faire attention. Une petite cigarette après le café, ça n'a jamais tué personne. Tu crois? Et puis je m'en fous. C'est bizarre, tu la tiens de la main gauche? Quoi donc? Ta cigarette, tu la tiens de la main gauche? Oui, j'ai mal à l'épaule droite, depuis que j'ai glissé dans l'escalier. Alors voilà, je fume de la main gauche. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te dérange? T'as vu un ostéo? Oui, on a même fait des radios. C'était quand? Je m'en souviens plus. Ça date pas d'hier. Mais t'as glissé quand dans l'escalier? C'était juste avant Noël. Une semaine avant mon agression, par là. Tu veux dire que t'as vu un ostéo dans la semaine du 15 décembre 2012 et tu n'as rien dit? Ça intéresse qui si j'ai vu un ostéo? T'as le certificat médical? Oui, sûrement, dans mon ordi. Et les radios? Elles sont rangées dans le placard. Tu pourrais aller les chercher, s'il te plaît? Là, tout de suite? Oui, là, tout de suite. Pourquoi? Ça m'intéresse. Je peux terminer mon café, tout de même? Vas-y, s'il te plaît. Depuis son procès, Maureen n'est plus la même. C'est comme si tout lui était égal. Ses amis, elle les fuit, elle évite même nos propres enfants. Elle préfère rester seule des journées entières à la maison. Au quotidien, j'essaye d'être positif, comme on dit, mais c'est peine perdue. Je lui remonte le moral, ça dure 5 minutes. Elle sombre à nouveau dans cette mélancolie, il ne la quitte plus. Ah, je suis pas tout bim, mais là, sur la radio, on voit bien. Tu t'étais bien amoché, dis-moi. Oui. Et tu as encore mal? Même après l'opération? Oui. Depuis tout ce temps? Oui. Et t'en as parlé à ton avocat? Quel rapport? En quoi ça le regarde si j'ai loupé une marche dans l'escalier? Tu permets que je lui en parle? Mais qu'est-ce que ça changera? Le 7 juillet 2017, mon avocat Thibaut de Montbrial fait appel du jugement. Le 16 février 2018, il se décide enfin à déposer une plainte avec partie civile. Tout dans cette procédure s'était fait à l'envers. J'étais égarée, perdue, épuisée devant tant d'imprécisions, d'errances, d'humiliations. J'ai rompu avec Thibaut de Montbrial et Olivier Fontibus. Je me suis tournée vers maître Hervé Témim, un bourgeois versaillais, un homme soigné, méticuleux, amateur d'art contemporain. et soucieux du détail. Allô, maître Temim ? Mmh. Oui, c'est Gilles Hugo à l'appareil. Alors, ça pourra vous paraître idiot, mais j'aurais quelque chose à vous montrer. C'est un détail qui pourrait avoir son importance. Un détail, vous dites ? Oui. Quel genre de détail ? Des radios de l'épaule de Maureen à la veille de son agression. Et vous appelez ça un détail ? Oui. Passez à mon bureau. Immédiatement. D'accord. Paris. Cabinet de maître Hervé Temim. Voyez-vous, Maureen, dans cette affaire, tout cloche. Rien ne tient debout. Savez-vous ce qu'on m'a répondu quand j'ai demandé les scellés des analyses ADN ? Non. On m'a répondu qu'on ne les trouvait plus. Oh. Comment ça ? Il semblerait que les résultats des tests ADN aient été égarés. Oui, égarés, paumés si vous préférez. Ouais, alors, elles sont où les preuves ? Quelque part. Mais où ? Impossible à savoir, autant dire nulle part. Mais c'est démentiel. Quant à vos aveux, ils n'ont jamais été signés, alors... J'ai toujours refusé de signer une telle saleté. Bon, et maintenant, vous me dites que vous avez été opéré de l'épaule quelques jours avant votre agression, c'est bien ça ? Oui. Voici les radios... Bon, eh bien, nous allons demander à votre chirurgien s'il est possible de se ligoter soi-même avec une épaule tout juste sortie du bloc opératoire. Qu'en pensez-vous ? C'est une idée, en effet. Comment s'appelle-t-il, votre médecin ? Chapelle, Paul Chapelle. C'est un professeur. Très bien. L'audience est fixée au 19 septembre 2018. Ça nous laisse peu de temps pour réunir tous ces documents. Mais... Versailles. Cour d'appel du tribunal. Madame la Présidente, dans cette affaire, une fois n'est pas coutume, je vous épargnerai les grandes déclarations de principe. Je m'attacherai simplement aux détails. Je vous en félicite, maître. Oui, oui, aux détails. Aux choses laissées de côté, considérées habituellement par vous et moi comme sans importance. Allez au fait, maître. Concernant les tests ADN, pouvez-vous, Madame la Présidente, demander au greffe de nous présenter les scellés ? Madame la greffière, présentez les scellés, pièce 5346B. Madame la présidente, je suis dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi ? Ces pièces ne sont pas présentes, madame la présidente. Comment cela, pas présente ? Il semble qu'elles manquent au dossier, madame la présidente. Qu'elles manquent au dossier ? Oui, madame la présidente. Et pourquoi ces pièces manquent-elles au dossier, madame ? Nous ne savons pas, madame la présidente. Ah ! Et pourquoi ne savez-vous pas pourquoi des pièces si importantes manquent au dossier ? Il semble qu'elles aient été oubliées, madame la présidente. Oubliées ? Oui, madame la présidente. Un détail. À moins qu'il ne s'agisse d'un oubli volontaire. Je ne vous ai pas donné la parole, maître. Pardonnez-moi, madame la présidente, je m'interroge simplement sur un simple oubli. Un détail qui, pour le moins, a son importance. Inutile d'insister, maître. Quand pourrons-nous présenter ces pièces, madame ? Nous ne savons pas, madame la présidente. Et pourquoi ? Il semble que ces pièces ont été égarées, madame la présidente. De mieux en mieux. Nous devons disposer de ces pièces, madame, c'est essentiel. Je somme les services concernés de présenter ces pièces avant la fin de l'audience. Bien, madame la présidente. Vous avouerez, madame la présidente, que cette disparition subite de preuves aussi essentielles au débat est pour le moins surprenante. C'est un sujet administratif, soyez rassurés, les services feront rapidement le nécessaire. Bon, j'entends bien, madame la présidente, mais en attendant, ces preuves qui ont conduit les enquêteurs à suspecter madame Kearney d'avoir organisé elle-même sa propre agression ne peuvent être produites. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y a donc, à ce stade, aucune preuve matérielle du fondé de l'accusation. Nous attendons les scellés, maître. Ils finiront par réapparaître, soyez-en assurés. On l'espère, madame la présidente. Jusqu'à preuve du contraire. Que voulez-vous dire ? Eh bien, vous ne m'ôterez pas de l'idée que la disparition de ces preuves n'est pas le seul fruit du hasard. Vous suspectez la cour de truquer ce procès, maître ? Absolument pas, madame la présidente. Je ne vous le conseille pas, en effet. Non, je veux simplement dire qu'il n'y a pas de hasard. En effet. Concernant les aveux de madame Kearney... Pouvez-vous présenter le procès-verbal signé de sa main ? Le procès-verbal de l'interrogatoire est présent au dossier, madame la présidente. À la bonne heure. Mais il n'est pas signé, madame la présidente. Comment cela, pas signé ? Oui, en effet, ma cliente s'est rétractée. Elle a toujours refusé de signer ce document. Et pourquoi ? Ces aveux ont été obtenus dans des conditions indignes, Madame la Présidente. Dans des conditions contraires au droit le plus élémentaire. Je demande que le capitaine Philippi et la lieutenant Charrier soient entendus au plus vite. Les enquêteurs seront entendus en temps voulu. Très bien. Autre chose, maître ? Il se trouve que ma cliente Maureen Kearney a dérapé dans son escalier quelques jours avant son agression. Comment considérez-vous ce fait, Madame la Présidente ? Comme un détail sans importance, en effet. Nous y voilà. Sauf que, Madame la Présidente, nous avons ici le certificat médical du professeur Paul Chappelle qui a reçu en consultation ma cliente le 10 décembre 2012, soit seulement quelques jours avant son agression, survenue, je vous le rappelle, le 17 décembre 2012. Dans ce document, le professeur Chappelle, éminent chirurgien, précise, je cite, « Il est impossible que cette patiente, souffrant d'une rupture de la coiffe des rotateurs, assurant la mobilité de son épaule droite, ait pu accomplir un tel mouvement, se ligoter les bras par derrière. C'est rigoureusement impossible. » Je vous pose la question, Madame la Présidente, pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas interrogé plus tôt cet éminent chirurgien ? Chut, chut, chut. Silence, s'il vous plaît. Une heure après, le capitaine Philippi et la lieutenant Charrier étaient entendus comme témoins. Cette fois, ils semblaient beaucoup moins sûrs d'eux, moins arrogants. J'ai croisé le regard de la lieutenant Charrier. Elle a fait semblant de ne pas me voir. Monsieur Philippi, pouvez-vous m'expliquer pourquoi une preuve aussi fondamentale que les scellés des traces ADN relevées au domicile de Madame Kearney ont disparu ? Je ne sais pas, Madame la Présidente. C'est un dysfonctionnement des services du laboratoire. Manque de personnel, sans doute. Nous en sommes désolés, Madame la Présidente. Quand comptez-vous rattraper cette erreur grossière ? Nous ne savons pas, Madame la Présidente. Très bien. Concernant les aveux de Madame Kearney, selon le procureur lui-même, il semble qu'ils aient été obtenus sous la contrainte, alors que Madame Kearney était dans un état de fatigue caractérisé. Disons que Madame Kearney refusait d'avouer, alors... Alors ? Nous avons insisté. Un peu. Seulement un peu, ou plutôt beaucoup ? Disons que nous avions besoin de savoir la vérité, Madame la Présidente. Certes, mais cela ne vous donne pas tous les droits, monsieur. Madame Charrier, vous étiez convaincue, dès le premier jour de votre enquête, de la culpabilité de Madame Kearney. Pouvez-vous expliquer à la Cour les arguments qui vous ont conduite à suspecter aussitôt Madame Kearney ? Madame Kearney était confuse. Elle semblait perdue, perturbée. Alors... Donc pour vous, une personne perturbée est nécessairement coupable ? Non, mais... En tant que femme, avez-vous pu penser qu'à la suite d'un viol, une femme peut se trouver dans un état de sidération pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire des mois, voire même des années ? Oui, bien sûr, Madame la Présidente, mais on ne croyait pas à cette thèse du viol. C'était trop tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux ? Que voulez-vous dire ? Oui, l'histoire des contrats chinois, tout ça, ça paraissait bidon. Alors... Et qu'est-ce qui vous permettait à ce moment-là de décréter que les contrats chinois, c'était bidon ? Je ne sais pas. L'intuition. Le flair, en quelque sorte. Oui. C'est ça. Le flair. Nous avons affaire là, Madame la Présidente, à de fins limiers. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je comprends bien, les preuves essentielles portées à charge ont aujourd'hui mystérieusement disparu. L'éminent chirurgien qui a opéré Maureen Kearney n'a jamais été entendu. Des aveux ont été extorqués illicitement et enfin, cerise sur le gâteau, la lieutenante Charrier, du haut de sa science de gendarmerie, se permet de considérer par intuition, dit-elle, que les contrats chinois, c'est bidon. Est-ce que tout ça est sérieux, Madame la Présidente ? Je pose la question à la Cour. Où est le sérieux de cette enquête ? Il n'y a rien qui tient debout là-dedans, Madame la Présidente, c'est une évidence. Il n'y a aucune preuve de la culpabilité de Maureen Kearney. Aucune. Deux mois plus tard, le 7 novembre 2018, j'ai été acquittée par la cour d'appel de Versailles. Dans son jugement, la cour insistait sur les carences manifestes de l'enquête. La cour relève les absences d'expertise, un oubli d'autant plus regrettable que la présence ou l'absence sur ces objets de traces génétiques aurait été de nature à confirmer ou infirmer chacune des deux versions. Les incohérences relevées par les gendarmes sur la scène du crime ne sont pas décisives. Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, infirme le jugement entrepris. Les scellés contenant les échantillons d'ADN relevés à mon domicile, ces fameuses preuves qui avaient constitué l'accusation de dénonciation de crime imaginaire, n'ont jamais été retrouvés. Les chances de découvrir un jour l'identité de l'agresseur sont donc restées infimes. Vous croyez qu'on va se taper un blâme ? Ah, quand même pas. On a fait notre boulot, non ? Oui, mais... Vous voulez que je vous dise ? Pour moi, ça change rien. Elle est coupable, j'en suis sûre. Elle a tout inventé, les preuves qui manquent, le chirurgien, tout ça, c'est bidon. Vous pouvez accuser quelqu'un sans preuve, vous ? C'est ça qu'on vous a appris à l'école ? Alors qui ? Si c'est pas elle, c'est qui ? Vous pouvez me le dire ? Vous savez qu'il y a eu un cas similaire dans le coin ? Il n'y a pas si longtemps. Comment ça ? La femme d'un cadre de Veolia. On l'a retrouvée violée, ligotée sur une chaise, avec un cercueil scarifié sur le ventre. Selon elle, son mari aurait dérangé des plans d'Alexandre Joury, l'homme d'affaires, le meilleur ami d'Henri Proglio. Et ? C'est tout. On n'a jamais rien trouvé ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vraiment cherché. Je suis tellement contente pour vous. Quelle histoire, n'est-ce pas ? Oui, quelle histoire. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je ne sais pas. Il faut vous reposer, Maureen. Vous reposer. Oui, c'est ça. Je vais me reposer. Je pense qu'on ne retrouvera jamais les salopards qui vous ont fait tant de mal. Peut-être un jour. Oubliez tout ça, Maureen, et pensez à autre chose. Ça vaudra mieux. Oui, vous avez raison. Il faut penser à autre chose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Appelez ma secrétaire. Je n'ai besoin de rien, Anne. Ne vous inquiétez pas. Au revoir, Maureen. Au revoir. C'était qui ? Personne. Personne ? Je te dis que c'était personne. Après son procès, Maureen a voulu partir, vivre ailleurs, vendre notre maison, tout recommencer, ne plus penser à rien. Dans les années qui ont suivi, elle a assisté, impuissante, à la chute d'Areva. Areva, dans les années 2000, c'est le numéro 1 mondial du nucléaire, une fierté nationale. C'était un des fleurons de l'industrie française. On en faisait un fer de lance de l'image de la France à l'extérieur et dans l'industrie. Mais aujourd'hui, Areva est à l'agonie. Les pertes frôleraient les 10 milliards d'euros. Le désastre a commencé par la construction bien mal maîtrisée d'une centrale nouvelle génération en Finlande. Pendant 10 ans, Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva, défend sa stratégie pour gagner. Elle a même convaincu l'ancien président de la République. Il a mis 3 ans à se rendre compte qu'elle lui racontait des histoires. Voilà. Monsieur Sarkozy. Et c'est, bien sûr, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est fait virer. Une histoire qui finit mal pour 6000 salariés touchés par un plan social. Areva est en cours de démantèlement. Aujourd'hui, la justice s'en mêle et soupçonne des opérations de corruption. Maureen avait compris que son engagement n'avait plus aucun sens. Elle ne servait plus à rien. Je l'ai accompagnée du mieux que j'ai pu, au fil du temps. Le spectacle terrible d'un désastre, la mort d'Areva, tout cela la dévorait, comme si elle devait porter à elle seule le toit du monde. Tu dors ? Non. Tu penses à quoi ? À son odeur. Maureen, je t'en prie. C'était un de ces parfums pour hommes qu'on trouve partout en grande surface. J'essaie de me souvenir de la marque, un truc pas cher, mais quoi ? Il y en a tant des parfums pour hommes. Maureen, enfin. J'aurais aimé le voir, au moins une fois, sur le banc des accusés. Maureen, s'il te plaît. Mais ça arrivera jamais. Je crois que c'est ça qui me fait le plus de mal. Savoir qu'il est quelque part. Il rôde ici ou là, n'importe où. Libre. Je t'en prie, essaye de dormir. Un jeune, une barbouze, comme au bon vieux temps de la France-Afrique. Mais payé par qui ? Maureen. T'as raison, Gilles. Faut absolument que je dorme. Le soir, quand le reflet de mon visage apparaît dans le miroir, démaquillé, il revient, mon violeur, avec son odeur fétide. Une forme étrange, sombre, monstrueuse. Il faut qu'il disparaisse. Qu'il parte, que je ne le voie plus jamais. Et tous ceux qui ont permis cette injustice. J'ai été acquittée, non coupable. Super. Toutes ces années de lutte, de combat. Mais je suis détruite. Maureen ? Oui, Gilles, je le sais. Il faut absolument que je dorme. Un jour, peut-être, si j'en ai la force, je raconterai mon histoire, mon voyage au pays des droits de l'homme. Et de la femme. Suspicion, une série de François Luciani, d'après La syndicaliste, de Caroline Michel Aguirre. Avec Marilyn Canto, Charlie Nelson, Claire Dumas, Robinson Stévenin, Johanna Nizard, Jean-Marie Winling, Florence Muller, Valérie Moinet et la voix de Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Affaires sensibles, sur France Inter. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Do-do-do. I am not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. is handing me a writ while I'm trying to do my bit. You're underfed, but like you heard me say, not guilty. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Suspicion, épisode 5, la vérité. Nos invités Maureen Kernet, le personnage central de cette histoire, et Caroline Michel-Aguirre, journaliste, grand reporter à l'Obs et auteur du livre intitulé La syndicaliste, paru en 2019 chez Stock. Bonjour Maureen Kernet. Bonjour Monsieur Drouel. Et bonjour Caroline Michel-Aguirre. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur du livre La syndicaliste, paru en 2019 chez Stock. Merci d'être là toutes les deux. Nous allons avancer ensemble dans ce qu'il nous reste encore à évoquer et à découvrir. Commençons avec vous, Maureen. Nous sommes à la fin de notre série. Toute cette histoire très dure, très douloureuse que vous venez de revivre à travers notre récit et la fiction de ce récit. Comment avez-vous réussi à vous reconstruire, déjà ? D'abord, l'acquittement. Je m'étais reconstruite pour tenir debout pendant le procès, pendant toutes ces périodes-là. Le jour où j'ai reçu le coup de fil, comme quoi j'étais acquittée, il y avait du monde à la maison, Caroline m'a appelée, d'autres m'ont appelée, tout le monde était aux anges, mais moi, j'étais détruite. Ça faisait 6 ans. Eh oui. Que je criais et que j'étais pas entendue. Mais c'est à partir de là où enfin la vraie reconstruction a commencé grâce aux thérapies. Je le conseille à tout le monde qui a vécu un trauma de se faire accompagner. Et grâce également au livre qui m'a donné une voix. Autre thérapie, très efficace celle-là. Absolument. Hein ? Que faites-vous désormais, Maureen Kernet ? Alors, aujourd'hui, je mène une vie paisible en province. Je m'occupe d'enfants. Je travaille dans une école Montessori, avec les maternelles, les primaires. Je travaille également dans une association pour femmes victimes de violences. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais je tiens, c'est important pour moi de rendre un petit peu de tout ce qu'on m'a donné, toute cette soutien qui est venue de partout pendant toutes ces années et les gens qui sont encore présentes aujourd'hui. Donc le minimum que je peux faire, c'est rendre. Alors ça va mieux, ça va même bien, mais tout de même cette justice qui n'a jamais condamné, ni même identifié le ou les responsables de votre agression, comment vous vivez cette situation ? Bon, je l'ai vécu très très mal pendant longtemps. Chaque fois que je me baladais un peu partout, j'avais peur. Je me disais, c'est lui, c'est peut-être lui. Je voyais quelqu'un assis en café, c'est lui. Je voyais quelqu'un derrière moi, est-ce que c'est lui? Et ainsi de suite. Et j'ai commencé un travail thérapeutique sur le pardon. Mmh. Et ce travail thérapeutique sur le pardon, qui était long, m'a énormément aidée. Ça vous a délesté d'un poids? Totalement. Ah. Et je rejoins Boris Cyrulnik, qui lui a dit qu'il pardonnait, pas pour eux, mais pour lui-même. Et moi, je l'ai fait pour moi-même, pour vivre dans la paix. Bien, alors si les auditeurs ont écouté ce que j'espère d'ailleurs, le premier épisode, on avait déjà abordé ça ensemble, hein, c'est pas un déjà vécu, on l'a déjà abordé, mais c'était important. Et donc je vais vous donner la parole maintenant, Caroline, Michel Aguirre. Revenons en arrière, au début de votre rencontre, toutes les deux, quand et comment rencontrez-vous Maureen ? Alors quand je m'en souviens pas exactement, Maureen Kearney était une source pour moi qui suivait le secteur de l'énergie. À l'époque, j'étais journaliste économique à l'Obs. Donc c'était un contact syndicaliste parmi d'autres. Mm-hmm. C'était pas quelqu'un que je connaissais particulièrement ou personnellement ou intimement. À quel moment vous vous êtes dit il faut en faire un livre parce qu'il faut aller au fond de cette affaire ? Je crois que s'il y a un moment vraiment qui m'a donné cette envie profonde, c'est très tôt, c'est juste après sa garde à vue qu'elle racontait, je dirais en février 2013, Maureen m'avait donné rendez-vous par l'intermédiaire d'une amie dans Paris. Elle avait donc avoué cette agression en disant qu'elle l'avait inventée. Et j'avais évidemment voulu prendre contact avec elle et je me souviens très précisément de ce rendez-vous dans un café où elle me donnait l'impression physiquement d'être une bête traquée. Et pour moi, c'était, comment dire, abyssal de le ressentir si violemment. Je l'avais vu avant, je ne la connaissais pas dans l'intimité, mais de voir que cette femme me dise « on m'a obligée à avouer, personne ne me croit, même mon avocat ne me croit pas, mais je n'ai pas inventé cette agression », ça a mis quelque chose en moi qui n'est plus reparti. Le deuxième moment très fort, c'est celui du premier procès, celui de mai 2017, parce que j'y suis allée en espérant des réponses, en espérant une justice, et j'ai ressenti encore une fois très violemment la même attitude de bête traquée. C'était vraiment la même chose que j'ai vue chez Maureen Kearney. C'était très troublant parce que les autres journalistes voyaient dans son attitude comme un aveu, c'est-à-dire qu'elle était dans la position de quelqu'un qui aurait en effet inventé cette agression. Qui n'arrivait pas à expliquer ce qu'elle prétendait avoir vécu. Et moi, ce que je voyais, c'est quelqu'un qui prenait des coups. Je le voyais physiquement, elle était assise, les mains autour du ventre, et ce que je voyais, c'était quelqu'un qui prenait des coups et qui avait la même attitude que celle que j'avais vue 4 ans auparavant. En sortant de ce procès, je me suis dit, on peut pas en rester là. Il faut poursuivre, il faut savoir d'une manière ou d'une autre, il faut le dire. Ça ne peut pas rester dans l'enceinte de ce tribunal, il faut raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était une question de dignité pour elle, pour moi, mais aussi pour la justice française. Mmh. On ne pouvait pas faire comme si c'était rien passé, en vérité. Et vous, Maureen, vous avez été lâchée par tout le monde, à part vos proches. Là, vous vous êtes dit, la rencontre avec un journaliste, mettons ça sur la place publique, ça va être un élément de solution, on va avancer avec ça ? Non, c'était pas comme ça que je réfléchissais à l'époque. Hein. Ouais. Caroline, donc, on se connaissait d'auparavant, pas du tout intimement, mais c'est quelqu'un, par intuition, je lui faisais confiance. Et quand elle m'a parlé du bouquin, j'ai dit oui. Et j'ai rien exigé, parce que je savais qu'elle allait faire un travail approfondi et que peut-être elle allait trouver quelque chose. Je savais qu'elle pouvait rien trouver qui pouvait, moi, m'accabler, parce qu'il y avait rien oui, à trouver. Oui, vous aviez la conscience tranquille. Il n'y avait aucun risque. Quoi. Non. Je savais, j'ai toujours su qui j'étais. Et très humblement, j'ai pas de problème avec moi-même et qui je suis. Oui, Caroline. Oui, c'est absolument incroyable, il faut quand même le dire. Je me suis lancée dans cette histoire, et Maureen, c'est vrai, elle n'a rien exigé. Elle n'a pas demandé à relire le livre avant parution, elle n'a pas demandé à contrôler sa parole, elle a été dans une confiance totale, alors que je n'avais fait aucune promesse. Je n'ai pas dit à Maureen, je sais pas, je vais laver votre honneur, je vais découvrir la vérité. Je n'ai pas fait de promesse que je ne savais ne pas pouvoir tenir, puisque je ne savais pas. Je lui ai juste juste dit, je vais reprendre cette histoire depuis le début, et s'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai. C'était assez mince comme promesse, mais la confiance a été immense de sa part. Ce titre, La syndicaliste, comment vous l'avez choisi? Parce que vous auriez pu titrer l'histoire incroyable de Maureen Kerney, ou Areva, et les méthodes d'Areva et d'EDF. La syndicaliste, c'est très simple. Ça frappe, La syndicaliste. En fait, c'est la manière dont les gens qui avaient connu Maureen Kerney l'appelaient désormais. Ce qui m'a frappée, c'est que sa personne avait été gommée par tous les gens qui l'avaient connue, même des gens dont je savais qu'il la connaissait très bien, ne l'appelaient plus ni Maureen, ni Maureen Kerney. Il appelait la syndicaliste dans une mise à distance qui était très violente, oui. Je trouvais. Si bien que pour moi, ce projet, il s'est toujours appelé la syndicaliste dès le départ. Et mon éditeur, il m'a dit comment on l'appelle. J'ai dit la syndicaliste. Il m'a dit oui, la syndicaliste. Et en fait, c'est parce que c'était la manière dont c'était devenu un objet. Ce n'était plus une personne. On avait gommé son humanité. Donc, le titre, c'était ça. D'accord. Et ça renvoie à ce phénomène incroyable des enquêteurs qui, tout de suite, la cataloguent comme une affabulatrice. Alors, il y a peu de preuves dans sa version, mais enfin, pourquoi ce postulat de dire qu'elle a inventé cette histoire? Qu'est-ce qui leur permettait de dire ça? Il y avait des pressions? On ne saura jamais, mais pourquoi ce postulat? Le pourquoi, je ne sais pas. Le comment, je sais. C'est-à-dire que ils n'y ont pas cru. Peut-être que ça dépassait leur entendement. Je vais être bienveillante. Et surtout, personne ne les a aidés vers la vérité. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'accabler les enquêteurs. Tous ceux qui auraient pu les aider ne l'ont pas fait. Personne ne leur a... Qui aurait pu les aider? Pas forcément des noms, mais qui Le procureur, c'est son rôle, le procureur de Versailles, de guider l'enquête, les patrons d'Areva, les cadres, je sais pas, ils n'ont pas tapé aux bonnes portes, et c'est vrai aussi, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté, parce qu'ils ont eu beaucoup de gens en audition, mais ils n'ont pas, ça n'a pas fonctionné. Et c'est assez incroyable. Vous voyez, moi-même, j'hésite. J'essaye de comprendre comment ils ont pu penser qu'elle avait tout inventé, mais ils s'en sont convaincus. Ça les arrangeait peut-être de penser ça? En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'ils ont réfléchi à l'envers. Comme ils ne trouvaient pas de traces d'agresseur, c'est qu'il n'y avait pas eu d'agression. S'il n'y avait pas eu d'agression, c'est que Maureen avait inventé. C'est comme quand il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de crime. Exactement. Et en fait, si vous voulez, s'il y a une explication, quand je vous parlais du comment, s'il y a une explication, c'est celle-là. Ils n'avaient pas trouvé de traces d'agresseur. Après, c'est sûr que Maureen Kerney, dans la vision que la société française a du syndicaliste, n'avait pas l'aura du patron d'Areva qui disait qu'elle comptait pour rien, qu'elle racontait n'importe quoi, qu'elle était folle. Ça dit quelque chose de très profond aussi sur une forme de justice de classe. Et c'est pour ça que cette histoire est importante, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses sur la société française, sur la manière dont on voit les syndicalistes, ceux qui sont censés nous défendre collectivement. Si je dois faire un petit pas de côté, les grandes avancées sociales en France, on les doit aux syndicalistes, à ceux qui se sont regroupés, dévoués pour les autres. Et aujourd'hui, c'est une mission complètement dévalorisée. Et ça, cette grande histoire, on la trouve dans la petite histoire, pardon Maureen, de Maureen Kerney. On ne respecte pas quelqu'un qui pourtant se faisait mission d'aider les autres. C'est pour ça qu'au départ, je n'avais pas de conviction, je voulais être ouverte. Mais quoi qu'il arrive, même si, imaginons, Maureen avait pété les plombs, ce que tout le monde racontait, c'était pas grave, parce que cette histoire méritait d'être racontée. Quelqu'un qui souffre en aidant les autres, c'est important de le raconter. Bien sûr. Donc on ne peut pas parler... Ou peut-être que si d'ailleurs, de machination. Pas de la part des enquêteurs, pas de la part de la justice, mais de la part des patrons. Je ne veux pas dire des choses que je ne peux pas prouver. En revanche, personne n'a aidé les enquêteurs et le procureur de Versailles à aller dans le bon sens. Cette version-là arrangeait absolument tout le monde. Tout le monde. Ça arrangeait la direction d'Areva, ça arrangeait la direction d'EDF, ça arrangeait le pouvoir politique de droite, puisque la droite était pour ces accords entre la France et la Chine, et ça arrangeait le pouvoir politique de gauche qui n'avait pas un immense scandale d'État sur les bras. Donc finalement, pour les gendarmes, ça les arrangeait aussi d'avoir vite résolu en un mois cette affaire. Il y a eu un espèce d'entraînement où ça arrangeait bien tout le monde de dire que Maureen Kearney était folle et que ce genre de choses n'était pas possible en France. Sur le postulat selon lequel, dans leur esprit, qu'est-ce que c'est que cette femme, cette syndicaliste qui vient mettre en péril des accords très importants, les enjeux sont très importants, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, quoi ? Mais elle nous ennuie, Maureen Kearney, au bout d'un moment avec ses questions, de quoi on se mêle ? Et ouais. On voit bien quelque part les gendarmes dans les questions qu'ils lui ont posées, ils se sont fait écho de cette vision de l'élite parisienne qui dit, mais de quoi vous vous mêlez, Maureen Kearney ? Vous n'êtes pas au niveau. Donc je n'ai pas la preuve qu'un tel a dit telle chose aux gendarmes. En revanche, je sais que dans leurs mots, ils se sont fait l'écho de ce que pensait le patronat français. On n'a pas de compte à rendre au syndicat, on sait ce qu'on fait. Maureen Kearney, on n'a pas à vous répondre. Et ça, les gendarmes, ils l'ont pris à leur compte. Ça, c'est un fait. D'accord. Et vous n'avez jamais pensé à un moment, alors avant que vous arrivent ces ennuis, que dans votre combat, vous preniez des risques, que ça pouvait être un peu le combat de David contre Goliath, et donc dangereux? Jamais vous n'avez pensé ça? Vous aviez la sincérité que, dans un pays comme la France, les rapports sociaux, les rapports dans le travail, et même des rapports de force hein, dans le milieu du travail, étaient légitimes et qu'on pouvait aller au bout de sa mission? Tout à fait. Je croyais dans la Constitution. Oui. Je croyais dans la Déclaration des droits de l'homme. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, je me suis rendu compte que c'est un très joli mot, mais derrière, il n'est pas appliqué dans notre beau pays. Au moins par nos élites et par nos politiques. Ils sont à part. Le talent, soi-disant, excuse tout. Le talent intellectuel, le talent sportif, le talent musical, le talent politique, ça on peut être sur la vérité très souvent. Mesdames, on va se retrouver dans 3 minutes. Mary tried to talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Best. You're not alone. Like like I was born under a bad sign. Wearing suffering like a silk garment, or a spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know, and you're not alone. You know that I know, and you're not alone. Caroline Michel Aguilir, Maureen Kernet. Maureen, n'aviez pas peur que notre journaliste Caroline Michel Aguilir, enfin notre journaliste qui est là avec nous autour de cette table, trouve des choses qui auraient pu être assez graves et qui vous reviennent en boomerang? Honnêtement, il n'y avait rien à trouver. Et si elle avait trouvé quoi que ce soit, c'est que ce n'était pas vrai. Alors je faisais confiance à Caroline, je ne sais pas pourquoi, son intuition, son élan du cœur. Je savais qu'elle allait faire ça bien. Et voilà, c'est tout. C'est la confiance totale. Caroline Michel Aguirre, vous aviez découvert, je crois que 6 ans plus tôt, la femme d'un cadre de l'entreprise Veolia avait été agressée par des individus cagoulés et dont le mode opératoire présente de grandes similitudes avec l'agression de Maureen Kernet. Pourtant, dans la procédure, cette affaire ne sera pas prise en compte par les gendarmes comme un précédent intéressant. Pourquoi, à votre avis? Pourtant, ils en ont entendu parler, ils n'ont pas été loin, parce que le mode opératoire, en effet, était très proche, mais le dossier avait disparu. Ils ont demandé aux archives du parquet de Versailles, le dossier n'était plus là. Alors c'est vrai qu'aux archives, un dossier sur deux est détruit de manière aléatoire au bout de 5 ans, mais en tout cas, celui-là n'était pas là. Moi, j'avais entendu parler de cette agression, parce que c'est un secteur où il se passait beaucoup de choses violentes depuis longtemps. Je savais qu'elle avait eu lieu, cette agression, et d'ailleurs, les enquêteurs que j'ai rencontrés par la suite, je leur ai dit, mais ça ne vous a pas interrogé quand même, ce mode opératoire similaire? Il y avait toute une théorie de dire, ah bah oui, mais Maureen Kernet aurait pu lire un article et être inspirée, et reproduire. Donc il y avait quand même une incohérence, c'est-à-dire que Maureen était dépressive, folle, et en même temps extrêmement préméditatrice, ça se dit pas, mais extrêmement, avec beaucoup de sang-froid et de recherche. Donc il fallait que je trouve cette autre victime. Je l'avais beaucoup cherchée auparavant, et puis un jour j'ai tiré un fil qui était le bon. Je suis allée à une adresse que j'ai trouvée, j'ai sonné, et là, ça a été le miracle. Il n'y en a pas beaucoup dans des enquêtes, mais parfois il y en a. Et la femme était là alors qu'elle avait vécu longtemps à l'étranger. Elle m'a ouvert sa porte. Je pense qu'elle aussi, elle a senti la sincérité de la démarche. Sans me connaître ni d'Ève ni d'Adam, elle m'a raconté pendant 1 heure, avant que ses enfants rentrent de l'école, ce qui lui était arrivé 1 an auparavant. Et c'est le moment où vraiment, moi, j'ai basculé, avant même la relaxe en cour d'appel, c'est que dans cette agression-là, il y avait des détails communs entre l'agression de la femme du cadre de Veolia et l'agression de Maureen Kernet, que personne ne connaissait, qui n'avait pas été écrite. Donc, même cette hypothèse-là, que Maureen Kernet aurait pu lire des articles à l'époque et reproduire le mode opératoire, ça n'était pas possible. Et à ce moment-là, j'ai vraiment su vers quoi j'allais. D'anciens agents du renseignement, tout comme d'ailleurs une surprenante confidence de la DRH d'Areva à l'époque, estiment que ce pourrait être un intermédiaire qui soit à l'origine de cette agression. Alors peut-être un groupe d'intermédiaires, mais quelque chose entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah d'abord, c'est absolument incroyable que cette piste n'ait pas été suivie, parce qu'il y a une syndicaliste d'Areva qui avait recueilli cette confidence de la DRH d'Areva, qui l'a dit pendant l'enquête. Et ça fait partie des fils qui n'ont pas été tirés. Aucune question n'a été posée là-dessus. Ça, c'était vraiment un point essentiel. Et moi, dans mon enquête par la suite, j'ai rencontré des gens très haut passés dans le secteur du renseignement. Je sais que cette affaire était suivie à très haut niveau. Ils ont aussi évoqué la possibilité d'intermédiaires, de possibilités de gens ayant des intérêts financiers à ce que les contrats se fassent. Maintenant, qui, quoi, quand, comment, l'histoire reste encore à écrire. On fait pas appel à la mafia quand même? Ce sont des méthodes mafieuses, il faut pas se voiler, mais l'histoire de la Ve République est assez riche et féconde de moments où les intérêts politiques et les intérêts mafieux se sont rencontrés. Donc oui, c'est très possible. En tout cas, ça n'est pas à exclure. Suite à cette affaire, officiellement EDF a arrêté ses négociations avec les Chinois et le contrat est tombé à l'eau. Pour autant, je crois savoir qu'officieusement, pour le coup, c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. En fait, la coopération qui était lancée à l'époque sur la mise au point d'un réacteur de moyenne puissance est tombée à l'eau au bout d'un moment. En revanche, la volonté d'EDF d'avoir des échanges commerciaux et technologiques avec la Chine s'est poursuivie. D'abord, EDF a construit en Chine un EPR, donc une grosse centrale nucléaire, et ils se sont associés avec cet acteur chinois qui s'appelle CGN maintenant, en Angleterre. Parce que la France n'a pas d'argent, mais elle a la technologie. Et la Chine n'a pas la technologie, mais elle a beaucoup d'argent. C'est sur cette base. Et beaucoup de financement public, d'ailleurs. Et beaucoup de financement public. C'est sur cette base qui fait fi, en réalité, de la situation politique de la Chine, qui n'est pas un partenaire comme un autre. La France fait, depuis des décennies, comme si la Chine était un partenaire comme un autre. Non, ça n'est pas une démocratie, ça n'est pas un partenaire lambda. Et refaire toute l'histoire des relations franco-chinoises, la pandémie que nous venons de vivre nous rappelle que la transparence n'est pas une chose, naturelle en Chine. On va dire ça comme ça. Donc, EDF s'est associé avec CGN pour la construction d'EPR en Angleterre. Et s'est engagé auprès de son partenaire chinois à l'aider à certifier le réacteur chinois auprès des autorités anglaises. Ça veut dire que, quelque part, la France, si ce projet va à terme, va donner sa caution de puissance nucléaire qui lui permet d'être au Conseil de sécurité des Nations Unies à la Chine. Tout ça... Qui siège aussi au Conseil de sécurité. Oui, bien sûr, mais c'est un... Comment dire ? Ça n'est pas négligeable, ça n'est pas commercial au sens... Ça n'est pas une voiture, ni même un avion ou un train, c'est du nucléaire. On est dans quelque chose... Stratégique, qui ne peut pas être conçu seulement comme... En termes commerciaux, c'est voilà. Ça. Ils ont l'argent, ils ont un marché, on a la technologie, on va échanger. Non, il y a pas plus tard... qu'il y a quelques jours, il y a eu une fuite sur un des EPR en Chine, construit par EDF, avec une fuite de gaz toxique. On verra, aura-t-on la transparence ? Ce sont vraiment des moments clés qui nous feront dire si la Chine est un partenaire comme un autre. Pour l'instant, la France a fait comme si, et un certain nombre de salariés d'Areva, dont Maureen, pensaient que c'était un jeu dangereux. Toute dernière question, Caroline, si vous deviez employer un mot pour résumer la personnalité de Maureen, ce serait quel mot ? Moi, il y a un sens que je voudrais donner à cette histoire, même si la vérité, on ne l'a pas encore, mais on l'aura un jour, j'en suis certaine. C'est le mot solidarité. C'est un mot qu'on a oublié en France ou dans nos mondes modernes, où nous sommes une somme d'individualités, on se parle par réseaux sociaux. Et toute l'histoire de Maureen Kearney et de ce qui lui a permis de se reconstruire, c'est l'histoire d'une solidarité. On n'a rien sans solidarité, et on n'arrive à rien sans solidarité. Et avec la solidarité, ses amis, ses syndicalistes qui l'ont entouré ont permis à Maureen de passer ce qui paraissait infranchissable, c'est-à-dire d'être accusée d'avoir inventé ce dont elle avait été victime. S'il y a un mot qu'on peut transmettre, un message universel de cette histoire qui n'est pas très drôle, c'est de ne pas oublier que la solidarité, c'est ce qui nous unit. Solidarité, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier, mesdames Maureen Kearney et Caroline Michel-Aguirre. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, dernier épisode de la série Suspicion. Une fiction écrite par François Liciani, réalisée par Cédric Ossire. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Rebecca Denante et réalisée par Anne Lioro. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Clément Vuillet et Victor Ouvrard.